Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. On amorce l'émission avec une formation australienne née des cendres de Unitopia, une formation que j'aimais beaucoup d'Australie. Suite à la dissolution de Unitopia en 2014, le claviériste Sean Timms a mis sur pied Southern Empire et 2 ans plus tard, un premier album était lancé sous le titre de Southern Empire. On a eu en 2018 Civilization et en septembre prochain, un troisième album va paraître sous le titre de Another World. Mais ce soir, on a un avant-goût avec un extrait d'une pièce d'une vingtaine de minutes et qui a pour titre White Shadows. Et Marc, ce sera suivi d'un extrait d'un album d'une formation allemande. Oui, en effet, et le nom de la formation, c'est Cydonia, C-Y-D-O-N-I-A. Et on aura ici un extrait de leur premier album paru à la fin décembre 2022, un album qui a pour titre Station ou Stations. On aura ici la pièce Union of Souls pour vous. Et comme vous le disait Michel, on débute avec un avant-goût du prochain album de la formation australienne Southern Empire. We'll be right back. away as I play. A blinding flash, a mighty roar, the cloud a thousand feet, maybe more. I heard the screams, I felt the flames, the frozen ones, forgotten names, the green and blue of a summer day, when all before me turned to love. things are overwhelming me. I close the door and turn the key. Darkness comes all over me. All alone I want to be. This is my house, safe and warm. This is my house, shelter from harm. Stay away, please stay away. Stay away, please stay away. That I should stay in touch, but I don't mind, don't care too much. Keep out the sunshine in the light. Wish the day would turn to night. This is my house, safe and warm. This is my house, shelter from harm. Stay away. Please stay away, stay away, please stay away. Just me with me, listening to my own melody. Try to keep the demons out, but I won't cry and I won't shout. This is my house, safe and warm. This is my house, shelter from harm. Stay away. Please stay away, stay away, please stay away. many moons in endless circles fly. One of them brought forth a kind of life, connecting plants, animals, and me. And when the day of your last breath comes, your voice can still be heard. seconde demi-heure de l'émission, on va donner le coup d'envoi avec Kelly Wallner, le guitariste RPVL et de Blind Ego, son premier disque solo Voices. Un nouvel extrait, ce sera la pièce Seven. On aura aussi de l'Ontario, Monarch Trail, de l'excellent album Wither Down. Et après ça, Marc, je pense qu'on se dirige du côté de l'Italie. Oui, c'est la formation italienne Blacksmith Tales qui ont fait paraître leur premier album en 2021, l'album intitulé The Dark Presence. On vous en a fait jouer déjà 4 extraits, c'est notre 5e extrait, donc c'est bon signe. Quand on revient souvent sur un album, on aura cette fois-ci la pièce Let Me Die. Ce sera suivi de la formation suédoise Cross qui ont réalisé 11 albums entre 1988 et 2020. Là, on écoutera un extrait de leur album Playgrounds paru en 2019. 4 avec la pièce Let the Play Begin, mais tout d'abord on débute avec Kelly Wallner. Changing up.

Yeah. Dans le prochain bloc musical, on aura une formation italienne qui a pour nom Il Giardino Onirico et c'est tiré de leur plus récent album Apophenia, paru en 2019. Il y a sur ça des pièces chantées en anglais, en italien, des pièces instrumentales, comme ce sera le cas pour celle-ci qui a pour titre Apogeo. Et pour débuter le bloc musical, Michel, on ira d'une formation de la Roumanie et un extrait d'une longue pièce de leur plus récent album. Un album qui a pour titre Saint-Exupéry Alma, et c'est le quatrième album de la formation Yesterdays, un projet du multi-instrumentiste Bogati Bokar Akosh, qui incidemment est aussi guitariste pour la formation allemande Argos depuis leur plus récent album The Other Life. Et on y va donc avec Yesterdays. Thank you.

conclure l'émission de ce soir, on aura une formation américaine qui a pour nom Perfect Beings, et ce sera tiré de leur plus récent album Veer, qui est leur troisième en carrière, paru en 2018, et on aura les pièces New Pyramid et The Blue Lake of Understanding. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous depuis 21h. On vous invite à rester les nôtres à CKRL pour l'émission L'Autoroute qui suit juste après. Bonne semaine et à bientôt. All the kids mixed up, mutated, transposition, regenerated life. Enter the center, the center, the center. Two and two in a cup tonight. Root to the crown, bottom to top. Downside down. All the kids ripen, rotated into a wolf and jump out a wild blue guy. We'll be right back. lack of understanding, contra dancing supreme.